Les éditions de l'Avenir présentent Relations des Jésuites, contenant ce qui s'est passé de plus remarquable dans les missions des Pères de la Compagnie de Jésus dans la Nouvelle-France. Volume 1, embrassant les années 1611, 1626 et la période de 1632 à 1641. Québec, Augustin Côté, éditeur-imprimeur près de l'archevêché, 1858. Relations de 1611. Chapitre 16. Un voyage fait à la rivière de Sainte-Croix et la mort de Sagamo Mamberthou. Sur la fin du mois d'août de la même année, 1611, le sieur de Biencourt, ayant eu nouvelle que le navire du capitaine Plâtrier, de la ville de Honfleur, faisait pêcherie au port aux Coquilles, à 21 lieues du port royal vers l'ouest, il se délibéra de l'aller trouver, à cette fin de lui recommander un de ses gens, qu'il renvoyait en France avec lettre pour presser le secours attendu et présenter l'état pitoyable auquel on était. Le père Biard l'accompagna. Ils rencontrèrent ce navire tant à propos que s'ils eussent tardé d'un demi-quart d'heure, la commodité en était perdue. Car Jacques, il faisait voile pour revenir en France. Étant dedans, nous apprîmes que le capitaine Plâtrier s'était résolu de passer l'hiver en l'île de Sainte-Croix, et qu'il y était resté, lui, cinquième. Cette nouvelle fit prendre résolution au sieur de Biencourt d'aller à Sainte-Croix de cette même tirade avant que le capitaine Plâtrier eût moyen de se fortifier, car il voulait tirer de lui le quin de toutes ses marchandises étreintes parce qu'il hivernait sur le pays. L'île Sainte-Croix est à 6 lieues du port aux Coquilles, au milieu de la rivière. Donc, le sieur de Biencourt y vint accompagné de 8 personnes, et y entra en armes, ayant laissé le père Biard en un bout de l'île, sur des rochers, attendant l'événement, parce que le dit père avait convenu avec le dit sieur qu'en cas d'aucune invasion ou acte de guerre, ou force contre les Français, il serait délaissé en quelques lieux à l'écart, en telle façon que chacun pût savoir qu'il était ennemi de tous les deux partis, et qu'il s'entremettrait fort volontiers pour accorder les différends, mais nullement pour être partialiste. Dieu merci, tout passa heureusement. Plâtrier nous traita le mieux qu'il put. Et à son aide, le sieur de Biencourt recouvra une barque, laquelle était au port aux Coquilles, avec laquelle il s'en retourna à Port-Royal, où on trouva nouvelle besogne. Car Henri Mamberthou, le Sagamo des Sauvages, qui, premier d'Isseux, avait reçu le Saint-Baptême, était venu de la baie Sainte-Marie pour se faire panser d'une maladie qui l'avait surpris. Le père Edmond Mas l'avait logé dans sa petite cabane, au lit même du père Biard, et là le servait ancien père et domestique. Le père Biard, trouvant ce malade dans son lit, fut bien aise de l'occasion de charité que Dieu lui envoyait. Et tous deux se mirent à le servir de jour et de nuit, sans qu'autre quelconque les y soulageât, hors l'apothicaire Hébert, qui apportait des médecines et viandes qu'il lui fallait donner. Une de leurs plus grandes peines était de t'en couper et apporter de bois qu'il en fallait pour le jour et la nuit. Car la nuit commençait à être bien frileuse, et toujours il fallait bon feu, à cause de la mauvaise senteur, d'autant que c'était la dysenterie. Au bout de 5 ou 6 jours de tel service, la femme et la fille du dit Mamberthou vinrent à lui. À cause de quoi, le père Biard pria le sieur de Biencourt de faire changer le malade en quelque autre des cabanes de l'habitation, puisqu'il y en avait 2 ou 3 vides. Parce qu'il n'était ni beau ni bienséant que des femmes fussent jour et nuit en leur cabane, et moins encore qu'elles n'y fussent, étant la femme et la fille du malade. D'autre part, la cabane était si petite que quand on y était 4 assemblés, l'on ne s'y pouvait tourner. Ces raisons étaient par trop évidentes. Mais le dit sieur ne fut pas d'avis qu'on remuât le malade en aucune des cabanes de l'habitation. Ainsi lui en fit dresser une au dehors, où le malade fut transporté. Ce changement ne lui profita point, car il détériora dès lors manifestement et mourut 4 ou 5 jours après. Ce néanmoins, les Jésuites ne manquèrent jamais de l'aider et de l'assister, lui fournissant toutes choses à l'heure possible et le servant jusqu'à sa mort. Ce bon sauvage s'étant confessé et reçu l'extrême onction, dit au sire de Biencourt qu'il voulait être enterré avec ses pères et progéniteurs. Le père Biard résista fort à cette proposition, l'admonestant de lui être loisible, étant chrétien, de vouloir être enterré avec des païens damnés, vu même qu'en cela, il baillerait un grand scandale, d'autant que les sauvages, ayant et voyant qu'il n'aurait voulu être enterré avec nous, facilement entreraient en soupçon qu'il n'aurait été chrétien que par apparence. En tout cas, que tout cela semblerait toujours un mépris de la sépulture chrétienne, etc. Le sieur de Biencourt répliqua pour Mumbertou qu'on ferait bénir le Dieu et qu'on l'avait ainsi promis au dit Mumbertou. Le père Billard répondit que cela ne se pouvait faire. D'autant que pour bénir le dit Dieu, il faudrait déterrer les païens y ensevelis, ce qui serait pour se faire abominer de tous les sauvages et sentirait par trop son impiété. Les raisons ne servaient de rien parce que le malade, estimant que le sieur de Biencourt fût de son côté, persistait dans sa délibération. Le père Billard, pour leur donner à entendre que cette affaire était plus importante qu'ils ne pensaient, leur dénonça que cet enterrement se ferait sans lui et qu'il le leur donnait à entendre dès lors, protestant qu'il renonçait à tous tels conseils et résolutions, et sur ce, s'en alla. Toutefois, à ce que le malade ne pensa que ce qui était devoir et charité ne fût colère, il revint en moins d'une heure après et retourna servir le malade comme auparavant. Dieu favorisa son bon dessein, car le matin suivant, le sauvage, de soi-même, changea d'avis et dit vouloir être enterré au commun cimetière des chrétiens afin de témoigner à tous sa foi et pouvoir être participant des prières qu'il y avait vu faire. Il mourut en fort bon chrétien et son décès contrista fort les jésuites car il l'aimait et était aimé de lui réciproquement. Souvent il leur disait « Apprenez tôt notre langage, car quand vous l'aurez appris, vous m'enseignerez et moi enseigné, deviendrez prêcheur pour vous autres, nous convertirons tout le pays. » Les sauvages n'ont pas mémoire d'avoir eu jamais un plus grand sagamo, ni plus autorisé. Il était barbu comme un Français. Et plut à Dieu que tous les Français fussent autant avisés et discrets comme il était. Tel est le récit véritable de la maladie et mort de Mumbertou. Sur lequel je ne m'amuserai pas plus longtemps à réfuter les calomnies du factieux, étant assez ici et partout convaincu. Par quoi, je raconte la vérité du fait sans perdre le temps à combattre les larves. Chapitre 17. Le voyage à la rivière Saint-Jean et la querelle qui y survint. J'ai dit ci-devant que le sieur de Biencourt avait amené une barque du port aux Coquilles afin qu'avec Icelle, il pût faire un voyage jusqu'aux Armouchiquois. Ainsi l'on appelle les peuples qui sont dès le 43e degré en bas vers le sud-ouest. Leur commencement est dès Chouaquet, et, à ce qu'on dit, ils sont en grand nombre. La disette pressait le sieur de Biencourt à ce voyage, parce que ces peuples, labourant et faisant provision de grains, ils espéraient, par le moyen de la troc ou autrement, tirer d'eux quelques secours pour se munir contre la famine qui nous attendait au pas de l'hiver. La barque fut trop tard équipée pour une si longue traite, car nous ne fûmes prêts qu'au 3e d'octobre. Et encore voulait-il aller à la rivière Saint-Jean avant que de prendre cette route. La rivière de Saint-Jean est au nord-ouest de Port-Royal, y ayant entre deux la baie française, large de 14 lieues. L'entrée de cette rivière est fort étroite et très dangereuse, car il faut passer au milieu de deux roches, desquelles l'une jette sur l'autre le courant de la marée, étant entre deux aussi vite qu'un trait. Après les roches, suit un affreux et horrible précipice, lequel, si vous ne passez à propos et quand il est comblé doucement, de 100 000 barques, un poil n'échapperait pas, que corps et biens tout ne périt. Le jeune Dupont et le capitaine Merveille s'étaient allés loger à quelques 6 lieues avant de dans cette rivière Saint-Jean, n'étant en tout que 7 ou 8, tous malouins. Le sieur de Biencourt voulait exiger d'eux le quin de toutes leurs marchandises parce qu'ils résidaient dans le pays, comme il a été dit. À cette cause, il avait entrepris ce voyage. Nous étions en tout 16 Français et 2 sauvages qui nous conduisaient. Or, comme nous naviguions contre mont, étant déjà presque à 1 lieue et demie de l'habitation des Malouins sur le commencement de la nuit, un signal nous apparut qui nous épouvanta, car le ciel rougit extraordinairement à côté de l'habitation des 10 Malouins, et puis, la rougeur se découpant en longs fuseaux et lances, s'en alla fondre droit dessus cette maison. Cela se fit par deux fois. Nos sauvages, voyant ce prodige, crièrent en leur langue « Gara, gara, marée d'eau! Nous aurons guerre, il y aura du sang !» Les Français faisaient aussi des almanachs là-dessus, chacun selon son sens. Nous arrivâmes au-devant de leur habitation déjà la nuit toute close, et n'y eut autre chose pour l'or, sinon que nous les saluâmes d'un coup de fauconneau, ils nous répondirent d'un coup de pierrier. Le matin venu et les prières accoutumées faites, deux Malouins se présentèrent à la rive et nous signifièrent qu'on pouvait aborder pacifiquement. Ce qu'on fit. On sut d'eux que leur capitaine n'y était point, ainsi s'en était allé bien haut contre la rivière depuis 3 jours, et qu'on ne savait quand il reviendrait. Cependant, le père Billard s'en alla préparer son autel et célébra la Sainte-Messe. Après la messe, le sieur de Biencourt posa un corps de garde à la porte de l'habitation et des sentinelles tout alentour. Les Malouins furent bien étonnés de cette façon de faire. Les plus timides s'estimaient être perdus, les plus courageux en écumaient et dépitaient. La nuit venue et Jacques Lose, le capitaine Merveille s'en revint à son logis, ne sachant rien de ses hôtes. La sentinelle l'ayant approché, cria son « Qui va là ?» Le Malouin, qui pensait que ce fût quelqu'un des siens, répondit en se moquant « Mais qui va là toi-même ?» et toujours poursuivit avançant. La sentinelle, tout de bon, lui délâcha son mousquet contre. Et bien Merveille fut que Merveille ne fut ni tué ni blessé. Mais il fut bien étonné, et plus encore, voyant aussitôt des gendarmes sur soi l'épée nue, qui le saisirent et emmenèrent dans la maison, comme vous pouvez penser en tel accident que font gens de poudre et de corde. Leurs cris, leurs menaces et leurs faits. Le pauvre homme ne se trouva point bien de sa personne, jadait plusieurs jours, et lors il était tout harassé du chemin. Plusieurs inconvénients de perte et de maladie lui étaient arrivés cette année-là, comme pour l'accabler. Partant, se voyant ainsi tomber comme dans un abîme subitement, il ne savait où il était. Il se coucha auprès du feu tout de son long, se lamentant, les gardes tout alentour de lui. Le père Billard, voyant la confusion à laquelle était toute la maison, et ne pouvant donner ordre, se mit à prier Dieu au pied d'un banc qui était contre un des lits, assez loin du feu. Merveille, ayant su quelques répits pour sentir ses misères et se reconnaître, et ayant aperçu le père Billard qui priait, se levant subitement en sursaut, tout troublé, et à coup, s'alla jeter à genoux auprès du dit père, à qui, néanmoins, il n'avait jamais parlé auparavant, et lui dit « Mon père, je vous en prie, confessez-moi, je suis mort. » Le père Billard se leva pour le consoler, s'apercevant bien qu'il était troublé. Tout le corps de garde tourna des yeux de même sur eux, et chacun avisait autour de soi s'il n'y avait rien à craindre. De fortune ou à dessein, comme que ce soit, je n'en sais rien, un certain écervelé va trouver, à de bons pas de Merveille, un poitrinal tout chargé, amorcé, le chien abattu, et s'écria « Oh, le traître ! Il avait envie de se saisir de ce poitrinal et faire quelques coups !» Le Malouin répondit que ce ne pouvait être parce que, dès sa venue, il avait toujours été entre leurs mains. Et partant, il était impossible qu'il eût préparé ni même vu ce poitrinal et que, quand même il l'eût vu, qu'il en était trop loin pour s'en saisir sans être prévenu. Mais, nonobstant tout son dire, il fut garrotté, lui et trois de ses gens qui semblaient être les plus mauvais. Merveille était garrotté les mains derrière le dos et si étroitement que, ne pouvant prendre aucun repos, il se lamentait fort pitoyablement. Le père Billard, en ayant compassion, pria le sieur de Biencourt de faire dédier cet affligé, lequel il plégeait corps pour corps, alléguant que si on se craignait du dit Merveille, qu'on l'enserrât dans un des lits faits à la chartreuse et qu'il se tiendrait à la porte afin de lui empêcher la sortie, que si on entendait du remuement, qu'on frappât sur lui aussitôt que sur l'autre. Le sieur de Biencourt accorda au père Billard sa demande, et Merveille fut délié et confiné dans un des lits, le père Billard étant à la porte. Or, quelle fut cette nuit, je ne vous le saurais expliquer, car elle passa tout en alarmes, en escopeterie, en impétuosité de quelques-uns, tel qu'à bon droit pouvait-on craindre que les pronostics vus au ciel la nuit précédente n'eussent lors leurs effets sanguinaires sur terre. Le père Billard fit promesse de remettre ce bénéfice toute sa vie s'il plaisait à Dieu de brider ces esprits mutins et meurtriers qui semblaient d'être étachés et volés par-dessus la maison, attendant leur curé. Dieu, par sa bonté, l'exauça et les ferventes prières du capitaine Merveille, car certes il montra un cœur vraiment chrétien dès qu'il fut à part des liés, ne cessant quasi toute la nuit de louer et bénir son Créateur, nonobstant toutes les algarades qui lui furent faites. Et le matin venu, il se confessa et fit son bonjour, lui et toi de ses gens, avec une grande tranquillité d'esprit. De vrai, c'est un exemple bien rare et excellent à qui s'est estimée la vertu. L'après-dîner, le père Billard demanda congé d'aller trouver Dupont, sous promesse du sieur de Biencourt que tout bon traitement lui serait fait. Mais comme le dit père fut à un quart de lieue, de soi-même, le dit Dupont arriva, et toutes les émotions furent accroisées. Le sieur de Biencourt emprunta la barque de Merveille et l'emmena avec soi, et un des Malouins qui, depuis, mourut de maladie à Port-Royal. Chapitre 18. Le voyage de Kinibiki et le retour à Port-Royal. Nous avons remarqué peu auparavant que ce voyage à la rivière n'était qu'un détour du plus grand entrepris aux amours chicois pour avoir du blé. Comme donc nous eussions ainsi transigé avec les Malouins, nous mîmes la voile au vent, prenant la route des Armouchiquois. Avant que partir, le sieur Dupont et Merveille prièrent le père Billard de vouloir demeurer avec eux. Mais il leur répondit que, pour lors, il ne le pouvait faire, d'autant que ce ne lui serait point beau de quitter le sieur de Biencourt en un voyage tant périlleux, et qu'il importait à sa charge de reconnaître les gens et dispositions des lieux, et peu à peu de mastiquer le sens des sauvages à la vue, us et façon du christianisme, les visitant et leur en donnant quelque goût de piété, bien que ce ne fût qu'en passant. Mais qu'il espérait, avec la bénédiction de Dieu, le voyage accompli, de venir passer l'hiver avec eux et, avec leur aide, composer son catéchisme. À quoi, il pria le sieur Dupont de se préparer, s'enquérant des sauvages de la propriété des mots qui peuvent correspondre à ceux de notre langue et religion. Et afin qu'il le pût faire commodément, il lui laissa une explication bien ample des principaux articles de notre sainte foi. Nous arrivâmes à Kinibiki sur la fin d'octobre. Kinibiki est une rivière proche des Armouchiquois, à 43 degrés et 2 tiers d'élévation, et au sud-ouest de Port-Royal, à 70 lieues ou environ. Elle a deux embouchures bien grandes, distantes l'une de l'autre au moins de 2 lieues. Elle a aussi plusieurs bras et îles qui la découpent. Au reste, belle et grande rivière, mais nous n'y vîmes point de bonne terre, non plus que la rivière Saint-Jean. On dit toutefois qu'en haut, loin de la mer, elles y sont fort belles, et le séjour agréable, et que les peuples y labourent. Nous ne montâmes pas plus avant de 3 lieues. Nous tournâmes par tant de virevoltes et sautâmes tant de précipices que grand miracle de Dieu fut que nous ne périmes plusieurs fois. Aucun de nos gens s'écrièrent, par deux diverses fois, que nous étions perdus, mais ils écrièrent avant le temps. Notre Seigneur en soit béni. Les sauvages nous emmiellaient de l'espérance d'avoir du blé, puis ils changèrent la promesse du blé en troc de castor. Or, pendant qu'on faisait cette troc, le père Billard s'en était allé à une île proche, avec un garçon, pour célébrer la Sainte-Messe. Les sauvages, à l'occasion de la traite qui se devait faire, se rejetèrent fort avidement, et à la foule de notre barque, de curiosité, comme j'estime, pour ce qu'ils ne voyaient pas souvent tel spectacle. Nos gens avaient peur que ce ne fût malice, et que, sous couleur de troc, ils ne se voulussent saisir de la barque, aussi s'étaient-ils armés et barricadés, afin de n'être surpris. Voyant donc que, nonobstant leurs menaces et crieries, ils ne cessaient d'entrer à la file, et que déjà ils étaient bien 30 sur le tillac, ils y vidèrent que tout à fait c'était à bon jeu, qu'on les voulait surprendre, et déjà couchait en joue pour tirer. Monsieur de Biencourt a souvent dit et souvent répété depuis qu'il eut plusieurs fois sur la langue de crier « Tue! Tue! » mais que ces considérations le retint, que le père Billard était à terre, qui ne faillirait d'être massacré si l'on méfaisait à aucun sauvage. Cette considération obligea le père Billard, et nous sauva très tous. Car, si l'on eût commencé la charge, il n'est pas croyable qu'on n'eût jamais pu échapper la chaude chôle et furieuse poursuite des sauvages, dedans une rivière qui a tant de tours et retours, et souvent bien étroits et périlleux, autre que de 100 ans après, cette côte n'eût pu être réconciliable ni hospitalière aux Français, tant les sauvages eussent eu cette offense dessus le cœur. Dieu, donc, nous sauva par cette considération. Et de là, tous capitaines retiendront de n'être point trop subtils aux exécutions de périlleuses suites. Or, les Sagamos, s'apercevant d'eux-mêmes de la juste appréhension où leurs gens poussaient nos Français, se prirent à les retirer hâtivement et mirent ordre à la confusion. Ce peuple ne montre point d'être méchant, quoiqu'il ait défait les Anglais, qui voulaient habiter parmi eux, l'an 1608 et 1609. Ils s'excusaient à nous de ce fait, et nous racontaient les outrages qu'ils avaient reçus des 10 Anglais, et nous flattaient, disant qu'ils nous aimaient bien, parce qu'ils savaient que nous ne fermions point nos portes aux sauvages comme les Anglais, et que nous les chassions pas de notre table à coups de bâton, ni ne les faisions point mordre à nos chiens. Ils ne sont point larrons comme les Armouchiquois, et sont les plus grands harangueurs du monde. Ils ne font rien sans cela. Le père Billard les alla voir par deux fois, et, ce qu'il faisait partout, pria Dieu en leur présence, et leur montra les images et marques de notre créance, lesquelles ils baisaient volontiers, faisant faire le signe de la Sainte Croix à leurs enfants, qu'ils lui offraient afin qu'il les bénît, et oyaient avec attention grande et respect ce qu'on leur annonçait. Le mal était qu'ils ont une langue toute diverse, et il fallait qu'un sauvage servît de truchement, lequel, sachant bien peu de la religion chrétienne, se baillait néanmoins du crédit envers les autres sauvages. Et, à voir ce contenant et ouïr son long parler, il faisait grandement du docteur. Si bien ou mal, je m'en rapporte. Nous fûmes à Kennebec jusqu'au 4 ou 5e de novembre, saison déjà trop avancée, pour passer outre selon notre premier dessein. C'est pourquoi le sieur de Biencourt se mit au retour, d'autant qu'il pensait être moindre mal de souffrir l'hiver et la disette à Port-Royal, y étant bien logés et chauffés, et attendant la miséricorde de Dieu, que non pas de risquer sur mer, en un temps de tempête, parmi des barbares et ennemis, ayant encore, de plus, la faim à craindre, car nos provisions commençaient fort à faillir. Ainsi donc, nous nous adressâmes à Pentagouette pour nous en retourner à Port-Royal. À Pentagouette, nous trouvâmes une assemblée de 80 canots sauvages et une chaloupe. C'était en tout environ 300 âmes. De là, nous repassâmes à l'île Sainte-Croix, où Plâtrier nous donna 2 barils de pois ou de fèves. L'un et l'autre nous fut un bien grand présent. Ici, le père Billard supplia le sieur de Biencourt de le faire passer à la rivière Saint-Jean, à ce qu'il pût aller trouver du pont et travailler au catéchisme, ainsi qu'ils avaient convenu au départ. Mais le dit sieur ne lui voulut point accorder cette requête, sinon aux conditions qu'il entretint et nourrit avec soi les matelots qui le conduiraient, jusqu'au printemps suivant, condition totalement impossible. Ainsi, il fallut qu'il laissât son catéchisme et s'en revint avec les autres à Port-Royal, à son grand regret. Tandis que nous étions en voyage, aucun n'était resté dans l'habitation de Port-Royal, sinon le père Edmond Mas et un jeune Parisien, appelé Valentin Pajot. Le dit père vivait en ermite, bien austère, ne voyant aucun, sinon quelquefois, 2 ou 3 Français qui labouraient à 2 lieues de là, et si, par fortune, quelques sauvages passaient. Le père Billard tomba, peu après son retour, en une légère maladie, mais lente et chronique, qui donna sujet de charité au dit père Ennemond. On leur avait assigné un garçon pour les aider en leur nécessité, et il l'avait accommodé bien honnêtement. Mais il les quitta au gros des neiges et au cœur de l'hiver. Les neiges commencèrent le 26 novembre, et avec elles, ce qui fâchait le plus, le retranchement des vivres. On ne donnait à chaque personne, pour toute la semaine, qu'environ 10 onces de pain, 2000 livres de lard, 3 écuellées de pois ou de fèves, et 1 de pruneau. Les jésuites n'en eurent jamais plus, ni autrement que chacun de la troupe, et un mensonge très impudent, ce que le factieux allègue du contraire. Pendant tout ce temps, les sauvages ne nous venaient point voir, sinon rarement, quelques-uns de la maison de Mabertou, pour nous apporter quelques présents de leur chasse. C'était alors bonne fête et jouine. Nos gens en reprenaient un peu de courage. Ce qui fâchait le plus était l'appréhension du temps quand on considérait l'étendue longue des mauvais mois qu'on avait à passer. Les Jésuites tâchaient, et en privé et en public, de consoler tous et un chacun parmi cette misère. Et advint que le troisième dimanche après Noël, auquel on lit l'évangile « Vinum non habent », le père Billard exhorta la compagnie à bien espérer et prendre la glorieuse Vierge Marie pour avocate envers son miséricordieux Fils en toute nécessité, et spirituelle et corporelle, étant ainsi que par son intercession jamais le vin de consolation ne manque à ceux qui l'ont pour hôtesse et pour mère. Le service fini, le père Billard, s'adressant au sieur de Biencourt et lui montrant les compagnons, lui dit en riant « Vinum non habent », le priant de leur en donner de ce peu qui restait, ajoutant que le cœur lui disait qu'on aurait bientôt secours, et au plus long dans le mois qui courait, savoirait, dans janvier, et que peut-être verrait-on qu'il devinerait sans y penser. Les compagnons furent bien aises, et se gaudissant après avoir bu, disaient « Or bien, nous voici de bon courage pour attendre si le père sera point prophète. » Et certes, il le fut de bonne aventure, car un navire nous arriva justement 8 jours après, lequel il nous fallut aller quérir assez loin.